je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans Ludologie, le podcast qui parle de jeux sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui pour un cinquième numéro après un petit peu de retard. On a eu quelques difficultés à trouver nos invités en décembre. Et puis finalement, Noël est arrivé et dans sa hotte, le Père Noël nous avait ramené un nouvel invité, un chouette invité avec qui on va pouvoir discuter ce soir. Adrien va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je vais juste me permettre de vous donner quand même vaguement le thème du jour. Aujourd'hui, on va parler de musique, de son en règle générale, comme élément de gameplay, voilà, comme élément de jeu, avec un invité assez averti sur le sujet, dont Adrien va vous parler un petit peu plus, pas plus tard que maintenant. Bonjour Adrien. Bonjour Manuel, bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui nous accueillons Pierre Lacombe qui est donc étudiant, mais il est surtout cofondateur de Audi Game, qui est une plateforme de partage et en tout cas plateforme mais aussi communauté de partage et de création de jeux donc audio, en quelque sorte des histoires dont vous êtes le héros mais en audio, donc qui se consultent sur PC, sur tablette ou alors sur smartphone. Mais pour présenter donc l'invité du jour, bah, tout simplement je vais lui donner la parole. Alors donc Pierre Lacombe, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter donc à nos auditeurs ? Bonjour à tous tout d'abord et merci de m'accueillir pour ce podcast, cette super émission. Alors, qui je suis ? Je suis étudiant, comme vous l'avez dit, et surtout je suis entrepreneur et je suis aussi conteur en fait d'histoires. Et ça qui est génial avec les histoires, et notamment les histoires audio, c'est qu'on peut en fait tout raconter, on peut tout vivre en audio sans avoir de limite, si ce n'est notre imagination. Donc c'est pour ça qu'on a créé Audi Game, pour pouvoir non seulement pouvoir vivre des aventures audio n'importe où en mobilité, donc quand dans les transports par exemple ou quand on fait son jogging, mais aussi pouvoir interagir avec elle, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, dont tu as très bien parlé Adrien, ces livres qui nous permettaient un petit peu de choisir la suite de l'histoire en tournant les pages, et bien là on peut le faire avec comme petite manette les touches plus ou moins de ses écouteurs, de son casque. Donc c'est ça qui est nouveau et on est à la fois une plateforme de distribution, puisque on permet à des créateurs et nous-mêmes on en produit quelques-uns, mais c'est avant tout pour les créateurs de distribuer de manière digitale sur smartphone, sur PC, sur tablette, et en même temps on permet aussi de créer en donnant des conseils, en donnant des outils, en donnant les outils d'enregistrement aussi, en offrant l'hébergement, etc. Et bien de pouvoir avoir un seul portail finalement pour ces aventures audio, ces petits épisodes de 10 minutes qu'on va pouvoir consommer et utiliser un petit peu partout. Voilà. Ça a été quoi le déclencheur pour dire j'ai envie de faire du jeu audio plus que vidéo, et puis peut-être les difficultés ou en tout cas les problématiques propres au fait de choisir de faire de l'audio qui se sont présentées à vous? Alors moi j'adorais le doublage en l'occurrence, moi-même j'en ai fait un petit peu, et le doublage de films c'est assez original puisque quand c'est bien fait, ça peut être source d'interprétation et de création. Qui n'a jamais entendu The Mask, Les Simpsons ou d'autres VF comme Retour dans le futur. Et quand j'étais petit, je me disais c'est dingue, c'est parce que c'est les vraies voix de ces personnages-là. S'ils pouvaient dire autre chose et si je pouvais les écouter dans mon téléphone, par exemple, ou dans ma radio, ça serait génial. Et donc, après être entré dans l'univers du doublage, j'ai adoré cet esprit, comment dire, de liberté absolue par le son. J'ai également fait de la radio, j'ai créé la radio de mon école. Ensuite, j'ai créé la Confédération des radios de grandes écoles avec des amis. Et donc, à chaque fois, la création sonore était en filigrane, en fait, chez moi. Et un jour, je me suis dit que j'adorais aussi les jeux vidéo et que cela n'était pas incompatible et que même si les jeux vidéo avaient transformé le digital et la manière de raconter une histoire, la vidéo était devenue interactive, mais l'audio très très peu en fait. Et moi j'étais vraiment très impressionné par un jeu vidéo que vous connaissez certainement, qui s'appelle The Walking Dead The Series, c'est produit par le studio Telltale. Effectivement, voilà. On en a parlé au dernier épisode, effectivement. Et voilà. Et ben, ce jeu vidéo est assez marquant parce qu'il permet de faire des choix pour la première fois moraux. Et donc, il se concentre avant tout sur l'histoire. Pas tellement sur le gameplay ou les graphismes ou l'animation, mais vraiment sur l'histoire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer, en fait, une véritable aventure interactive? Mais simplement basé sur le plus pur message, à savoir le son. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches et je me suis dit, mais comment on pourrait offrir cette aventure-là ? Alors, évidemment, très vite, un jeu vidéo, c'est énormément d'implications, énormément de ressources, énormément d'argent, ce que je n'avais pas. Et donc, je me suis dit, avant d'attendre 5 ans, avant de faire mon premier jeu vidéo, eh bien, au lieu de faire ça, je vais plutôt essayer de voir comment je peux moi-même, non pas raconter mon histoire, mais aider tout à chacun à créer son histoire simplement, sans coder, avec que soit qu'on ait son smartphone ou qu'on soit sound designer à Los Angeles, d'avoir une sorte de portail unique disponible sur smartphone et sur PC qui puisse nous permettre non seulement de créer, mais aussi de distribuer simplement. Alors, on reviendra en détail peut-être sur les outils qui peuvent aider donc peut-être nos auditeurs qui veulent créer un jeu audio. Mais peut-être je vais partir sur une question assez assez générale qui m'intéresse en tant qu'animateur de podcast. Comment on crée un jeu audio et comment on crée une aventure au-delà de tout simplement la voix d'un narrateur ? Alors, tout est centré sur le scénario et la mise en scène. Déjà, tout d'abord, le scénario. Il est très important, en fait, d'écrire un scénario qui soit très proche, en fait, qui immerge l'auditeur, puisqu'il n'a que le son, en fait, pour se repérer dans l'histoire. Donc, c'est très important de vraiment faire attention aux détails dans la mise en scène, également, qui vont transcrire ce scénario. Et en fait, cette attention aux détails, que ce soit un bruit de porte, que ce soit du sable, du vent, etc., c'est ça qui va en fait créer la mise en scène et qui va donner vie à cette histoire. Donc, comment on crée un jeu en audio ? Eh bien, en faisant attention aux détails sonores. Et comment on crée un gameplay et une sorte de game design, et bien là, c'est plus en se rapprochant, en fait, des schémas scénaristiques en forme de tree view, c'est l'arbre scénaristique qui va montrer toutes les possibilités dans le scénario. Et alors, il suffit de taper The Walking Dead Choices sur Internet pour voir un petit peu la structure scénaristique de la première saison de The Walking Dead. Et ça, ce sont ce genre de d'arbres. C'est ce qu'on appelle un arbre en UML. C'est un arbre de possibilités, en fait. Dans la mathématique, la logique, c'est souvent utilisé, sauf que cette fois, c'est pour décrire des scénarios. Donc voilà, l'important, c'est d'écrire son scénario et de penser à une mise en scène sans jamais se contraindre avec le format audio. Voilà, il faut vraiment se dire que l'audio n'est absolument pas une finalité, mais est un véritable moyen de s'immerger. Et parmi tous les jeux que vous hébergez donc sur Audigame, ou même par ceux que vous connaissez en dehors, est-ce qu'on peut établir une classification de jeux audio? Je pense par exemple, il y Bien a sûr. donc les jeux à la Walking Dead où c'est en fait des jeux dont vous êtes l'héros, mais il y a aussi des jeux de running, je voyais ça, Runtastic Story Running, c'était ça? C'est ça. C'est ça. En fait, il y a plusieurs types de jeux audio. C'est comme des types de jeux vidéo, il y en a beaucoup. Alors, déjà, un jeu audio est un jeu qui, à la base, se base sur le sens auditif, mais pas seulement. Donc, on a des jeux audio qui sont plus expérimentaux, qui là vont faire appel par exemple à la gyroscopie et également comment dire à l'environnement sonore pour pouvoir par exemple faire des actions comme si on était aveugle entre guillemets et qu'on tenait une Wiimote. Ça, ce genre de jeu, c'est des jeux un petit peu comme Blind Legend, des jeux un petit peu comme ceux du studio anglais Somfin Else. Vous connaissez peut-être Papa Sangré Papa ou Sangré, The dernièrement Nightjar. The Nightjar, récemment Audio Defense. D'ailleurs, on a invité Somfin Else à Paris Games Week sur notre stand pour qu'ils puissent montrer en avant-première au public français Audio Defense, et on travaille avec eux sur d'autres projets. Mais voilà, il y a ces jeux audio, parce que nous on pense pas en fait en jeux uniquement audio. Pour nous, ce sont des jeux et il se trouve que on utilise le format audio parce que c'est le plus pratique. D'un point de vue création, d'un point de vue utilisation, et qu'en plus ça permet de jouer à des aventures là où on ne peut pas jouer par ailleurs, parce que voilà, on est en déplacement ou on est dans un environnement où on peut pas forcément ou on veut pas forcément avoir d'écran. Donc c'est avant tout des jeux. Donc jeux expérimentaux qui se base sur la gyroscopie généralement ou la reconnaissance de gestes, et on a après directement, je dirais, des jeux qui sont plus sous format de podcast interactif. Donc pour l'instant, c'est quand même très très nouveau, très inédit, et la classification n'existe pas vraiment encore. Voilà. On parlait de Runtastic. Runtastic Story Running, ce sont des fictions audio. Qui en fait sont une sorte de réalité augmentée qui donne en fait le rythme pour courir. Donc on entend quelqu'un qui est poursuivi par des chiens qui sortent d'Alcatraz, etc. Et donc en fait le jeu finalement c'est de se caler sur son rythme. Donc ici ce n'est pas l'audio qui est utilisé. Comment dire, on ne modifie pas l'audio, mais l'audio nous donne un point à suivre, un repère à suivre. Donc finalement, dans tous ces éléments-là, on peut voir que l'audio n'est pas une finalité. L'audio qui est une finalité, finalement, c'est le jeu Simon qu'on connaît, qui date quand même de près de 50 ans. Et voilà, il y a une vraie différence entre le jeu audio dont c'est la finalité et le jeu qui utilise l'audio pour immerger le joueur. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que moi, j'ai pas tout à fait la même analyse. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous l'exposer et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, c'est une analyse qui se base sur le fait que traditionnellement, dans la bande son, on considère trois éléments: la voix, la musique et le bruitage. Et j'ai vraiment vraiment l'impression que dans des jeux de récits, dans des jeux de récits comme vous parliez de podcast interactif, c'est vraiment la voix qui est la partie dominante du sonore. Dans des jeux d'écoute, comme les jeux effectivement de Something Else, c'est le bruitage qui prend vraiment vraiment la main. Et dans des jeux qui sont plus des jeux de mémoire ou de rythme, on trouve des choses qui touchent vraiment souvent plus à la musique. Je pense à des jeux comme qui à mon sens sont des jeux sonores comme des Guitar Hero ou Rock Band ou équivalent, mais aussi quelque part Simon ou Shabada pour un autre type de jeu. C'est pas des jeux de rythme là, c'est des jeux de mémoire en l'occurrence, parce que moi j'ai vraiment l'impression que Simon, avant d'être un jeu de sonore, c'est surtout et avant tout un jeu de mémoire. Alors, Moi, je pense que ces trois composantes, et on pourrait en rajouter une quatrième aussi, sont les filtres de voix. Mais bon, ça va avec la voix. Je pense qu'en fait, c'est un triptyque qui peut être utilisé pour la mise en scène. Je m'explique. Et pour le jeu aussi, pour le gameplay. On est en train de concevoir des audigames qui se basent aussi sur la mémoire. C'est-à-dire où on va pouvoir écouter le discours d'un personnage, d'un PNJ, qui va nous présenter une énigme, par exemple. Et à la fin, on devra faire notre choix en fonction de la réponse qu'on aura trouvée ou non. Et ou dans un autre jeu, une sorte de jeu avec des dinosaures, on prend une voiture, on s'en va, on s'échappe, et là le PNJ nous dit ben voilà, il faut que tu appuies sur plus pour accélérer, moins pour freiner. Et tu vas le faire rien qu'en entendant le son autour de toi. Donc le fait d'utiliser la voix, les bruitages, la musique n'est pas exclusif. Et ce ne sont pas trois éléments exclusifs les uns des autres, puisqu'on peut tous les mélanger. Et nous, on va tous les mélanger pour pouvoir créer non seulement des jeux avec des choix où on utilise ces choix pour avancer dans l'aventure, mais aussi où on utilise les touches plus ou moins pour faire ce qu'on appelle des QTE, des Quick Time Events, qui vont pouvoir permettre d'avancer dans le jeu. Donc véritablement, nous on crée un système de jeu, un moteur de jeu, qui va permettre en fait à chacun de créer son propre game design. Vous n'avez pas l'impression que la typologie de composantes de bandes sonores génère pas la même qualité d'écoute. J'entends par là que sur des bruitages, par exemple, j'ai l'impression qu'on a plus naturellement tendance à chercher l'origine, disons, géographique, stéréophonique du son, c'est-à-dire si ça vient de droite, de gauche, de devant, de derrière, et puis éventuellement s'il y a des bruits cachés. Là où dans une voix, on va vraiment chercher plutôt le contenu du son plus que sa forme. Alors, je ne sais pas parce que, ça va dépendre des indications qu'on donne aux joueurs. Dans le sens où, si à un moment, le joueur, on le met dans une situation particulièrement, attentive, exemple, il y a un jeu qui s'appelle Blindside, où en fait on est immergé dans une pièce, même dans un appartement où on ne voit rien, et puis une sorte de tueur, etc. On doit faire attention d'où il vient, certes. Donc là, on se dit, mon Dieu, où il est, et on essaie de réfléchir. On peut utiliser le son 3D, par exemple, binaural, pour savoir où il est. Mais aussi, on a certaines touches d'action qui vont être activées selon les bruits qu'il fait, puisque ça va nous indiquer où il est, s'il par exemple il utilise tel ou tel objet, s'il fait telle ou telle action, et on devra répondre en fonction. Donc moi je pense que il n'y a pas que la géographie entre guillemets sonore à laquelle on peut faire attention avec les bruitages, mais il y a aussi le contenu. Et moi, je pense que tous ces éléments-là doivent pouvoir être à disposition des game designers, des créateurs de jeux. Mais après, chacun est libre de voir et de créer, de voir, d'entendre et de créer en fait des leviers de jeu tels qu'il le souhaite. Alors, pour m'intéresser un petit peu au son dans mes autres activités, on remarque une montée de la technologie donc dite binaurale. Je pense par exemple à la plateforme Nouveau Son de Radio France ou même Arte Radio qui commence à faire de plus en plus de documentaires avec cette technologie-là. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est le binaural pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas? Et dans un second temps, ma question aurait été, comment les auteurs de jeux audio se l'approprient? Alors, le son binaural, c'est en fait la reconstitution d'un principe physique qui existe. C'est-à-dire que si vous essayez de claquer des doigts de la main gauche, eh bien la vague sonore va d'abord atteindre votre oreille gauche et ensuite votre oreille droite. Et vous n'avez jamais que deux tympans, même si vous écoutez un superbe son home cinéma 5 points, vous n'avez jamais que deux tympans. Et donc, en fait, c'est cette différence en fait de temporalité de l'impact de la vague de son sur votre tympan qui va en fait donner des indications à votre cerveau pour que celui-ci reconstitue la géolocalisation qu'il estime du son. Et en fait, un peu comme la 3D, l'image 3D n'est pas une vraie 3D, il s'agit de deux images 2D que votre cerveau reconstitue en 3D, le son binaural va être une différence très très légère de son entre les deux oreilles. Il va y avoir une très très légère, entre guillemets, latence, différence de temporalité, et votre cerveau va considérer que le son vient de devant, de derrière, de droite, de gauche. Donc on va pouvoir créer une sorte de son 3D avec des écouteurs, avec un casque stéréo. Voilà. Ça, c'est un son qu'on peut opposer au son stéréophonique qu'on connaît habituellement, qui fonctionne comme un son de deux dimensions. Exactement, c'est ça. Et donc, comment les utilisateurs de jeux audio l'utilisent ? Eh bien, de plusieurs façons. Pour l'instant, c'est encore assez expérimental. Nous, à Audigame, on n'a pas encore inclus des outils qui permettent facilement d'utiliser du son, comment dire, binaural, mais évidemment on travaille dessus. Et bien ça s'utilise à travers des jeux qui utilisent beaucoup la géolocalisation et surtout la gyroscopie, puisqu'il va s'agir, comme dans Audio Defense par exemple, du studio Something Else, bien de tourner autour de soi-même et d'entendre en fait d'où viennent les tirs. D'où viennent les zombies, pardon, pour leur tirer dessus. Donc, il y a non seulement la gyroscopie qui va indiquer, comment dire, aux écouteurs de mettre plus ou moins fort un son. Mais alors là, c'est comme un casque stéréo finalement. C'est juste une différenciation de volume. Mais rien qu'en restant immobile, on va pouvoir avoir cette très légère différence de temps entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite, entre l'écouteur gauche et l'écouteur droit, et on va pouvoir déterminer d'où vient ce son rien qu'en fermant les yeux. Voilà. C'est un peu moins évident que la 3D, mais si on y fait attention, c'est ce qui va vraiment... C'est encore une fois le petit détail qui va renforcer l'aspect incroyable et encore inexploré du son. Finalement, on en parle et c'est vrai que pour le coup, vous comme Adrien et moi-même, on est des gens qui nous intéressons au sonore. C'est pas pour rien qu'on fait un podcast. Pour un joueur, dans un premier temps, pour un créateur dans un deuxième temps, ou dans l'autre sens si ça vous arrange, c'est quoi vraiment les avantages concrètement de travailler sur du jeu sonore ou de jouer à un jeu sonore par rapport à un jeu vidéo? J'en ai bien quelques-uns en tête, mais je vais vous laisser commencer à expliquer là-dessus. Alors, le jeu sonore ne remplacera premièrement jamais le jeu vidéo. C'est un média différent. C'est comme les avantages en fait d'écouter un podcast. Pourquoi on écoute un podcast par rapport à une émission télé? C'est sûr que si on a un écran incroyable et un home cinéma incroyable, on va plutôt être tenté de jouer à un jeu vidéo ou de regarder un beau documentaire. Quand on écoute un podcast, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une certaine proximité dans le message. On recherche aussi la liberté de mouvement, puisque on peut vaquer à ses occupations, on peut se déplacer si on écoute ce podcast dans les transports, et ce, sans perdre ce fil conducteur, sans perdre ce message. Et c'est la même chose pour le jeu audio. Le jeu audio va nous permettre de jouer là où on n'a encore jamais joué. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec ses écouteurs en marchant. On va pouvoir jouer en attendant le bus, on va pouvoir jouer en courant. des moments où, évidemment, quasi impossible de jouer aux jeux vidéo. Peut-être qu'on n'a pas envie de sortir son écran pour qu'on a peur de se le faire voler dans le métro, par exemple, son dernier portable. Donc, tous ces moments-là, en fait, où on ne pouvait pas encore jouer, où on était passif, on gardait tout le temps la même playlist. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez votre portable qui est plein de musique et ça y est, vous arrivez à la fin de l'espace disponible. Et au final, à chaque fois que vous êtes avec votre téléphone portable, et vous ne l'utilisez pas forcément pour faire des jeux vidéo, parce que quand vous êtes suffisamment bien installé pour faire un jeu vidéo sur portable, finalement, c'est que vous êtes peut-être suffisamment bien installé pour faire un jeu de console ou sur PC. Et donc nous, on est parti de cette contrainte-là, qui est la contrainte que tous les gens affrontent chaque jour, le fait de se déplacer, voire le fait de courir ou même de visiter, par exemple, des monuments, des lieux, etc. Eh bien, cela va pouvoir être non plus une contrainte, mais une opportunité, eh bien, d'avoir un message entièrement personnalisé, puisqu'interactif. Donc, on voit bien le côté mobile, simple et puis quelque part discret pour le joueur en tant qu'avantage. J'imagine qu'il y a aussi un certain nombre d'avantages pour les créateurs de jeux, notamment en termes de logistique, par exemple. Alors, oui, déjà en termes de logistique. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, un créateur de jeu, déjà, dans un premier temps, il a la liberté, de moyens. Puisque monter du son, c'est beaucoup plus facile que de monter de la vidéo. Donc n'importe qui s'y connaît un petit peu, qui sait ouvrir Windows, Word, etc., peut télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle Audacity et commencer déjà en 15 minutes à apprendre à monter du son. Donc déjà, beaucoup plus facile de monter ça. Beaucoup plus facile d'écrire, puisque là, on n'est plus limité que par son imagination. Également. Déjà dans la phase création, c'est plus facile. Ensuite, dans la phase distribution, c'est pareil, c'est encore plus facile, puisque il suffit en fait de pouvoir avoir quelques data, alors que ce soit via Wi-Fi ou via la 3G, via la 4G, mais ça ne prend pas autant de débit que la vidéo et encore plus que les jeux vidéo où il faut vraiment tout installer. Donc on peut avoir une sorte de streaming en live, un peu comme les jeux vidéo en streaming, qui va permettre de jouer aux jeux audio. Néanmoins, il faut quand même, comme si on crée un logiciel en fait ou une application, à chaque fois recréer, quand on fait du jeu audio, son environnement, sa plateforme en fait de distribution, même si après on décide de mettre son application ou son jeu sur l'Apple Store ou sur le Google Play ou créer un site, à chaque fois il faut refaire cette pénible étape qui demande beaucoup de ressources, puisqu'on ne sait pas forcément coder. On peut très bien acheter un micro ou s'enregistrer avec son téléphone portable, faire du montage sonore, ça c'est facile, mais après pour la distribution c'est plus dur. Et donc du coup l'idée d'Audigame, c'est de dire voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la création, puisqu'on vous offre les outils digitaux qui vont pouvoir vous permettre non seulement de le distribuer, mais qui vont permettre également en fait à ceux qui s'y intéressent de découvrir sur une seule et même plateforme ces jeux audio, pour ne pas qu'ils soient perdus au travers des je sais plus combien 200 jeux qui sortent par jour sur les stores mobile par exemple. Bon, alors si je vous écoute, le jeu audio c'est super, c'est génial, c'est facile à produire, c'est super à jouer et puis tout le monde peut le faire très simplement, ça prend pas de bande passante. Mais alors qu'est-ce qui coince? Parce que finalement, si je ne m'abuse, je vais reparler d'une de mes marottes, hein, Candy Crush, y a quand même toujours plus de gens qui jouent à Candy Crush que de gens qui jouent à Papa Sangré ou à The Nightjar ou aux jeux qui sont présents sur Audigame, aussi qualitatifs soient-ils. Alors, effectivement, et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que sur la plupart des jeux expérimentaux qui existent, que se passe-t-il? Eh bien, c'est des jeux qui utilisent parfois la gyroscopie et qui nous mettent dans des situations où le personnage, par exemple, est aveugle ou ne peut pas voir pour donner un sentiment plus immersif. Alors, le problème, c'est que si vous essayez de jouer à ce genre de jeu qui utilise la gyroscopie dans le métro, ça va plus forcément être très discret. Et donc, généralement, on utilise ce genre de jeu quand on les trouve, puisque aller trouver sur le Google Play ou sur l'App Store ce genre de jeu, ils n'apparaissent évidemment pas dans les premières suggestions. Ils sont pas forcément faciles à trouver. Parfois, ils n'existent pas sur l'une ou l'autre plateforme. Donc, c'est plus compliqué que Candy Crush qui apparaît tout de suite. Donc, il y a déjà un pouvoir de suggestion qui est bien moindre face à Candy Crush. Alors, je vais me permettre de vous reprendre un petit peu, quoi, parce que notamment les jeux de Something Else, je pense à Papa Sangré, Papa Sangré 2 en particulier, ont bénéficié quand même de pas mal de promotions. Moi, j'ai vu un certain nombre de personnes qui sont tombées dessus par hasard. Ils ont des interfaces qui ne sont pas, si mes souvenirs sont exacts, des interfaces jouant sur la gyroscopie, mais qui utilisent juste le tactile de l'écran. Donc potentiellement, c'est des jeux auxquels on peut jouer en toute discrétion et sans avoir besoin de faire des tours sur soi-même, sur en attendant le bus, par exemple. Alors oui, il y a un mode qui permet de jouer, sans la gyroscopie, mais directement avec, en tournant une sorte de roue tactile. Mais c'est évidemment beaucoup moins intéressant et c'est moins le but de ce jeu. Une visibilité. Je sais bien que c'est pas la visibilité de Candy Crush, mais il y a une visibilité. J'ai l'impression que dès qu'on est dans l'audio sans vidéo, par nature, même si on est dans une approche assez grand public dans ce qu'on veut raconter, le jeu devient tout de suite expérimental de par sa forme même. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, des papas sangrés, vous pouvez les compter, il y en a eu deux. Donc, le premier a bien marché, puisqu'il y a eu un deuxième. Quel est le véritable souci ? Le véritable souci, c'est qu'on ne construit pas un nouveau format sur un seul jeu, ou sur deux jeux, ou sur les quelques jeux qui en plus ne partagent pas la même interface, qui partage certes le même parc, à savoir d'appareils, à savoir les smartphones, mais on est quand même loin, quand on est dans le métro ou quand on est en déplacement, de l'immersion totale que pourrait et du potentiel maximum que pourrait donner ces jeux. Et ces jeux, parce qu'ils sont très ambitieux, qui sont très bons d'ailleurs, en fait, nous incite à jouer, si possible, dans des conditions de jeu en mouvement qui sont beaucoup plus, at home, quoi, qui sont beaucoup plus à la maison que simplement en voyage, parce que l'interaction se base sur la gyroscopie. Donc moi, je ne pense pas, en fait, que le jeu audio ait révélé tout son potentiel jusqu'à présent, parce que pour l'instant, il n'y a qu'à compter le nombre de jeux audio qui existent. Sur notre site Audigame, on en a référencé, je crois qu'on en a référencé 8. Là, 8. Donc, c'est extrêmement peu comparé à tous les jeux vidéo qui existent. Et je pense que c'est dû au fait qu'il n'est pas assez aisé de construire un jeu audio. Parce que vous-même, vous vous posez la question, est-ce que ça va pas se confiner à de l'expérimental ? Or, si un créateur se pose cette question, il ne va pas se tourner vers ce genre de format qui, par nature, ne va sans doute pas être profitable pour pouvoir en produire d'autres. Donc moi, je pense qu'il manque une véritable plateforme qui offre des codes simples et qui permettent à chacun de créer son jeu audio, encore une fois, sans avoir à coder, sans avoir à s'embêter avec toutes ces questions de développeurs. Et on le voit bien dans des plateformes de podcast, où on prend SoundCloud par exemple, ça a permis, ou Mixcloud, ou beaucoup d'autres, ça a permis à énormément de podcasts de se créer, ce qui n'était pas forcément le cas avant, sans ces outils-là, à beaucoup de radios également d'exercer. Donc je pense que la distribution de contenu créé par les utilisateurs doit être la plus simple possible. Et évidemment, se baser sur quelques jeux qui sont sortis, on ne peut pas vraiment condamner directement le jeu audio à ce côté expérimental. Et enfin, pour Audigame, puisque du coup, si j'avais tellement raison pourquoi la plateforme Modigame n'a pas des millions de téléchargements à l'heure actuelle, mais c'est tout simplement parce qu'on est en phase alpha et que pour l'instant, on est encore en train de coder la plateforme et que les premiers jeux, on apprend nous-mêmes dès qu'on crée un jeu. Le premier jeu qu'on a créé n'est pas aussi bon que les derniers qu'on a créés. Et la plateforme ne permet que la distribution de 3-4 jeux sur le Google Play et pas la création. Donc on est encore loin d'avoir la plateforme opérationnelle et pleinement disponible. On pense y arriver et on met tous nos efforts pour que ça soit prêt au printemps. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce sujet-là. Même je vais rajouter un petit commentaire pour boucler ce passage. On observe mine de rien une montée en popularité de ce type de jeu, puisque par exemple je pense à Blind Legend qui a fait un crowdfunding, enfin donc un financement participatif. Mmh. Qui, je crois, dans les dernières semaines, n'était pas en mesure de pouvoir remplir la somme qu'elle voulait récolter. Finalement, elle a réussi au dernier moment, quand les gens se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire ce jeu, finalement, ils ont réussi à rassembler tout cet argent. Donc c'est peut-être que potentiellement, il y a un vrai marché. En tout cas, il y a un public qui est prêt à mettre de l'argent pour un petit jeu comme ça. Que même des aveugles donc peuvent jouer. Et donc, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. C'est tout à fait prometteur. Je vais revenir donc sur quand même ce qui nous intéresse au-delà des points business. Donc, c'est quand même le jeu. On a oublié un point tout à l'heure qui est la question de la triche. Peut-on tricher dans vos jeux? Puisque en fait, ça pose la question de ça. Vu que tout est enregistré, on peut se demander s'il y a une place à l'improvisation, à l'imprévu, quoi. Alors, il y a une différence entre la triche, celle qu'on peut avoir dans les livres dont vous êtes le héros, où on se dit « mince, dis donc, je suis arrivé au mauvais endroit, à la mauvaise case. Vais-je refaire le livre depuis le début ?»« Oh non, non, je vais revenir à la page. Je me souviens que j'étais parti de la page 56. » Ça, c'est de la triche. Donc la réponse est non, on ne peut pas tricher sur Audigame, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, dans le jeu, et que comme nous, en fait, les pistes audio sont en fait gérées par notre propre logiciel, du coup, il n'est pas possible de le trafiquer, voilà, sans le code source. Donc, pas de triche. Alors après, est-ce qu'on peut être surpris? Évidemment, oui, on peut être surpris. Ça dépend uniquement, en fait, du contenu et des choix qu'on va devoir faire. Mais on peut être surpris par la nature de ces contenus, par le fond, on peut être surpris par la forme, on peut être surpris par le gameplay également. Donc c'est ça qui est génial, c'est de ne pas savoir à l'avance ce qui va nous arriver. Et je pense que c'est pour ça que vous aimez bien The Walking Dead, par exemple. Moi, cette question-là, j'aurais envie de la prolonger par et je vais continuer à chercher la petite bête pour le plaisir de le faire. Pas de problème. J'aurais envie de la prolonger en disant qu'est-ce qu'on peut pas faire avec un jeu sonore. Moi, il y a deux trois éléments qui me paraissent un petit peu compliqués à mettre en œuvre en termes de gameplay, vraiment purement de gameplay. Mm-hmm. J'imagine que par exemple faire du multiplayer, c'est pas très très simple. Alors, c'est pas très très simple, mais c'est envisageable. À partir du moment où vous êtes sur une sorte de console de jeu qui est connectée à Internet, potentiellement, vous pouvez le faire. Imaginez un jeu comme Ingris, celui de Google, qui se base sur la géolocalisation. Il y a du multijoueur dessus. Donc, on pourrait très bien imaginer une sorte de jeu en réseau audio. Alors, ça reste encore à définir. Mais si des jeux comme, Lara Croft, ceux qui se jouent en coopératif permettent de résoudre des énigmes à plusieurs, on pourrait a priori résoudre des énigmes à plusieurs aussi avec des jeux audio. Mais c'est un petit peu plus compliqué et en tout cas c'est plus contraignant, c'est normal puisqu'on n'a qu'une manette avec deux boutons. Qui sont les touches plus et moins. Mais à nous de développer suffisamment la plateforme pour pouvoir être connecté à des capteurs et qui vont nous donner toute une série d'informations sur lesquelles on va pouvoir jouer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de regarder comment on peut utiliser les capteurs, notamment des montres connectées, donc capteurs de luminosité, capteurs de température, fréquence cardiaque, géolocalisation, etc., etc., pour pouvoir en fait faire en sorte que les choix puissent ne plus seulement être dictés par la volonté, mais puissent être dictés également par un capteur en question. Donc là, c'est peut-être un peu technique ce que je dis, mais je pense que c'est avec ce genre de contraintes qui sont imposées finalement pas par nous, mais qui sont imposées par l'utilisation en mouvement, en déplacement, qu'on va pouvoir inventer toutes sortes de formes de jeux. Ce qui n'est pas possible, par exemple, eh bien, c'est tout ce qui est intrinsèquement lié à la vidéo. Donc, par exemple, il n'est pas possible de tirer, je ne sais pas moi, en haut ou en bas, par exemple. On peut le faire sur les côtés, mais à moins qu'on ait un son binaural et qu'on ait une reconnaissance de mouvement intégrée, ça va être beaucoup plus dur de viser un ennemi, de zoomer, enfin ce genre de choses. C'est sûr que ce qu'on peut faire dans Call of Duty, ça va être très très dur à faire, ou ce qu'on peut faire dans GTA, ça va être très dur à faire. Donc à mon avis, les jeux sandbox vont être très durs à faire en audio. Voilà, ça c'est une, c'est clairement, je pense, une des limites. Maintenant, on peut imaginer énormément de choses et on est en train de travailler nous-mêmes sur une sorte de Cluedo, qui déroule dans un univers héroïco-fantastique, pardon. On va pouvoir se déplacer d'une pièce à l'autre, etc. Et mener une enquête pour savoir qui est le vampire qui nous a vilement mordu en pleine nuit, on peut quand même se déplacer dans des pièces. Donc au final, je pense que le fait du gameplay, là encore, est à inventer, et je pense que les limites, les véritables limites, ne seront dictées que par l'imagination des créateurs. Voilà. En tout cas, il y a plein d'alternatives qu'on peut trouver. Mmh. En tout cas, oui. Et puis ça, ce dont vous parlez, ça ouvre effectivement pas mal de perspectives. Justement, en matière de perspectives, quelle est la place de la recherche là-dedans? J'imagine que un certain nombre de chercheurs, je pense notamment aux gens de l'IRCAM, s'intéressent sur le binaural, sur le retour de sensations, à savoir que si on tourne la tête, le son va tourner autour de nous, ce genre de choses. Est-ce que c'est des gens avec qui vous travaillez, ou qui vous prévoyez de travailler, ou avec qui vous avez été en contact? Parce que il y a vraiment toute une recherche au niveau de l'IRCAM, justement sur le sonore et sur des formes innovantes de présence et de traitement du son. Alors, il faut savoir que Audigame a été créé, on a eu l'idée en juin dernier, et qu'on n'est pas encore officiellement lancé. Pour l'instant, c'est la version alpha, même pas encore la version bêta. Donc, on est sur des pistes de recherche qui sont les plus larges possibles. Et moi-même, pour parler de mon expérience, je suis allé à l'exposition de La Voix, qui était donc à la Cité des Sciences, et j'ai vu effectivement beaucoup d'ingénieurs de l'IRCAM. Donc pour l'instant, on ne les a pas encore contactés, mais évidemment, on va le faire, et on va utiliser toutes les technologies possibles pour pouvoir créer les jeux les plus immersifs possibles. Donc je pense que la recherche est essentielle, puisque comme dans les jeux vidéo ou la recherche sur la réalité virtuelle par exemple bat son plein en ce moment, la recherche sur l'audio et sur le jeu audio doit avancer, et doit avancer avec les plus grands experts sur le sujet. Mais imaginez bien que avant la Paris Games Week de cette année, là où on a présenté pour la première fois le projet Audigame au public, et là où on a fait venir pour la première fois Some Finals de Londres, là où on a fait venir de Lyon les créateurs de The Blind Legend, et où on a fait venir également les gens de Runtastic, on n'a jamais étaient en contact les uns les autres et personne ne se connaissait. Donc il n'y avait pas en fait d'échange sur le sujet. Et dans le jeu vidéo, on a énormément de rassemblements, on a énormément de communautés, de rencontres professionnelles, d'éléments de recherche. Dans le jeu audio, ça n'existait même pas. On n'était même pas en contact les uns avec les autres. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est évident qu'il faut avancer sur des recherches techniques et des recherches techniques pas seulement comment dire en informatique mais également surtout le son, la forme du son, les effets qu'on peut donner pour que ça soit plus réaliste, mieux étudier l'oreille humaine et la façon dont le cerveau retranscrit le son, imagine le son, c'est essentiel et c'est ce qui va permettre également d'avoir un bond dans l'immersion et dans le comment dire l'image l'image qu'ont les gens du son. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est le cas, je pense. Alors, dans Ludologie, on essaye de parler de jeux vidéo, mais pas que. Aujourd'hui, on a pas mal parlé de jeux sonores. J'ai quelques autres marottes dans la vie, à savoir notamment le jeu de société, et puis une autre forme dont je vais vous parler tout de suite, et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez parlé de PNJ tout à l'heure. Je vais donner un petit peu d'explication pour les auditeurs qui auraient tiqué sur le terme. PNJ signifie personnage non joueur. Si vous avez pratiqué un peu le jeu vidéo en ligne, il y a de fortes chances que vous en ayez entendu parler de cette terminologie-là, parce que les jeux dont vous parlez, pour beaucoup, vous avez fait pas mal de références au livre dont vous êtes le héros, sont des récits interactifs. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'une des racines du jeu audio, je vais tenter des choses un peu lointaines, c'est pas le jeu de rôle où finalement on construit le récit, l'aventure, sur de la parole bien plus qu'autre chose? Alors, j'ai l'impression de devoir répondre pour tout le jeu audio, donc c'est difficile. Disons pour les jeux proposés pour les jeux développés dont vous parlez, c'est-à-dire des jeux de récits proches du livre dont vous êtes le héros, dont vous parliez. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, hein, pour moi, c'est une très grande qualité d'avoir une référence au jeu de rôle sur table. Mais en l'occurrence, les jeux dont vous parliez, où effectivement vous faisiez beaucoup référence au livre dont vous êtes l'héros, il y avait, il me semble, une filiation assez naturelle dans l'idée que il y a finalement une parole interactive. On est vraiment dans le jeu de récit, fondamentalement. Ah oui, on est tout à fait dans le jeu de récit. Et moi, je pense que, évidemment, le jeu de rôle est un parent de ces jeux audio. De toute façon, ces jeux audio, c'est quoi si ce n'est un jeu de rôle qui est, qui est sous une forme différente, au final. Donc, ce récit interactif trouve pleinement ses références, que ce soit dans le jeu de rôle, les livres dont vous êtes le héros, dans les jeux vidéo également. Nous, à chaque fois qu'on pense à des histoires, on se rappelle évidemment toutes ces sources d'inspiration. Et je pense qu'elles seront encore nombreuses et qu'elles seront utiles, nécessaires, indispensables pour la création de nouveaux jeux audio. Il y a tellement de choses qui ont été faites sur le jeu de rôle, ces univers incroyables qui ont inspiré le jeu vidéo. Moi, quand je joue, par exemple, à un volet de The Elder Scrolls comme celui de Skyrim, voilà, je suis bluffé, j'ai l'impression d'être dans un jeu de rôle incroyablement réalisé en fait. Je pense que on ne doit pas en fait, on doit accepter toutes les parentés et on ne doit pas renier quelques inspirations et quelques passés que ce soit dans toutes ces formes d'art interactif parce que même certains films comme par exemple Inception, c'est un film qui peut-être se dire interactif puisque on le comprend de la façon dont on veut le comprendre. Donc finalement le récit est modifié par rapport à la perception et aux choix que l'on fait en fait, et ces choix de perception influencent l'image qu'on a du film et la fin du film. Des films ont été tournés avec des fins différentes également qu'on peut avoir sur les sur le DVD ou le Blu-ray. Il y a des sortes de mix comme Dragon Slayer, ce sorte de dessin animé interactif auquel on pouvait jouer avec une télécommande, qui était aussi là encore quelque chose d'assez inédit. Il y a des jeux comme on a parlé de The Walking Dead, mais on peut parler aussi des productions de Quantic Dream avec Beyond Two Souls, Heavy Rain, etc. Donc moi je pense qu'il y a une pléthore de sources d'inspiration et qu'évidemment le jeu de rôle est un monument, que dis-je, une merveille du récit interactif, et donc évidemment il faut s'en inspirer, être très humble, et si on arrive ne serait-ce qu'à toucher un petit bout de la qualité de certains jeux de rôle, on sera déjà très heureux. Bon, c'est bon, vous avez gagné toute mon estime, vous me brossez dans le sens du poil, c'est parfait. Du coup, forcément, je ne vais pas dire que ça m'amène une autre question, mais un petit peu quand même. Est-ce que vous voyez des éléments de gameplay, des approches ludiques qui ont été développées, pensées dans le jeu audio, qu'on pourrait réinvestir dans du jeu de société ou dans du jeu de rôle ? Oui, je pense que ce qu'on a essayé de développer à chaque fois dans le jeu audio, surtout enfin dans les jeux audio d'Audigame, en tout cas, c'est vraiment le dilemme. En fait, c'est le choix, et particulièrement le choix impossible. Le dilemme est très présent, puisque à chaque fois qu'on fait un choix, on s'est rendu compte que bien souvent on pensait à des choix un peu futiles et qu'il fallait se creuser la tête véritablement pour faire un choix impossible et le justifier auparavant. Le choix impossible peut être un double choix immoral, par exemple. C'est pas forcément une binarité simpliste. Donc je pense que véritablement ce genre de questionnement, de raisonnement sur la justification profonde et les raisons pour lesquelles le personnage doit faire ce choix, doivent toujours être justifiés en avant et mis en scène en avant. Et je pense que c'est ce qui fait énormément la différence. Encore une fois, je reviens à The Walking Dead, mais je pense que c'est ce qui fait énormément la différence entre The Walking Dead et les précédentes productions de Telltale, par exemple, qui, somme toute, se basaient sur à peu près le même gameplay, la même jouabilité. J'entends bien, mais je pense que j'ai du mal à formuler ma question. Je parlais plus en termes de gameplay et d'interface, parce que là, effectivement, on est dans des problématiques dans des problématiques de récit qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Donc, je me posais la question de dans un jeu audio, on développe des éléments de gameplay particuliers, que ce soit l'écoute stéréophonique ou l'écoute binaurale. Et est-ce que vous voyez, parmi les éléments de gameplay qui ont été développés en règle générale dans le monde du jeu audio, la grosse poignée de jeux audio disponibles, des éléments de gameplay qu'on pourrait réinvestir dans du jeu de société ou dans du jeu de rôle? Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui avait pu se faire en jeu de société travaillant avec l'audio. Si on va chercher sur des choses très très simples, on peut remonter jusqu'aux chaises musicales. Vous avez parlé du Simon qui tient plus du jeu de société à mon sens que du jeu vidéo. On peut parler de jeux comme Shabada, mais finalement Shabada c'est moins un jeu de chant qu'un jeu de mémoire sur des paroles. Mais je me demandais si de l'expérience que vous commencez à avoir accumulé significativement sur le jeu audio, vous imaginiez, ou peut-être ça ne vous intéresse pas du tout en même temps, hein, mais si vous imaginiez des éléments de gameplay qu'on pourrait réinvestir pour des joueurs de jeux de rôle dans leur partie ou pour des concepteurs de jeux de société, vilain lapsus, de jeux de société dans leur jeu en fait. Alors, des éléments de gameplay, si on imagine qu'on reproduit ce genre de jeu de comment dire, j'ai tout de suite quelque chose qui me vient en tête. C'est très trivial, pardon, mais je me souviens d'un jeu de société où il y avait des voitures. Enfin, c'était un jeu vraiment pour les enfants. Et donc on appuyait, il y avait des petites voitures et c'était une sorte de jeu de loi avec des voitures. Et à un moment, quand on garait sa petite voiture sur une sorte de petit socle spécial, on appuyait sur un bouton et là il y avait des sons qui sortaient, des paroles, je crois que c'était en anglais, et puis c'était un coup c'était la police, un coup c'était les pompiers, etc. Et ça donnait des indications comme ça. Un exemple assez personnel, peut-être pas très très évoquant, mais je pense que dans les jeux de société ou dans les jeux de rôle, on peut très bien produire facilement du son et on peut très bien imaginer qu'il y ait, comment dire, une sorte de petits appareils électroniques qui puissent être vendus dans des jeux de société, ou des petits logiciels à télécharger avec son jeu de rôle qui puissent effectivement donner une dimension autre, une peut-être plus de, comment dire, d'immersion à ce genre de jeu. Dans le gameplay en soi, c'est très difficile de répondre à cette question puisque nous-mêmes on est en train de travailler dessus. Donc nous on pense à des jeux d'action, ce qu'on appelle des QTE. Mais ça, il y a qu'à jouer à Uno pour voir qu'on peut faire des QTE. Le fait d'avoir des choix, des dilemmes, etc. dans les jeux de rôle, il y en a déjà beaucoup. Des jeux de mémoire, il y en a déjà beaucoup. Je ne sais pas si on va pouvoir inventer quelque chose d'un point de vue vraiment gameplay. Par exemple, quelque chose qui se joue au casque avec du binaural et de l'écoute et du mouvement qui se joue au casque autour d'une table, par exemple. Que ça soit intégré. Ah oui, alors du coup, c'est pas seulement du gameplay, c'est du gameplay plus de, comment dire, plus de ce qu'on appelle quand on crée du hardware en fait, donc un véritable casque. Ah oui, moi je pense que c'est possible. Imaginons, je sais pas, un jeu qui se passerait sur un plateau lumineux rétroéclairé dans le noir, par exemple. On y joue avec ses amis dans le noir, et puis on a le jeu rétroéclairé qui est vraiment super, et ça nous immerge dans une sorte de Cluedo, par exemple, je reprends ce jeu un peu mythique, et là on doit découvrir des indices, non plus seulement à travers la carte à jouer, mais des indices sonores. Ça peut être une sorte de gameplay assez dingue, et pas très compliqué avec une application smartphone. Par exemple, à créer. Donc, et on peut même penser à du multijoueur comme ça. Voilà, un exemple de ce qu'on pourrait éventuellement créer. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Et puis, en plus, pour le coup, ça me fait penser à un jeu auquel j'ai déjà joué à de nombreuses reprises et que j'aurais pas naturellement classé en jeu sonore. Il s'agit des Loups-Garous de Tire-ce-Lieu, puisque justement, on a exactement cette phase d'écoute où tous les joueurs, ou presque, ont les yeux fermés et où il faut repérer une partie d'indices. En tout cas, il faut écouter les indices, écouter les bruits. Et on est vraiment dans cette approche-là. L'avantage du fait que c'est un jeu de société, c'est qu'en plus, on peut commencer à aller toucher un petit peu du côté du tactile aussi, puisqu'on ne voit pas, qu'on ne peut qu'entendre et être touché. Je pense que le tactile, ça fera un bon sujet pour un prochain podcast. Les jeux tactiles, on n'y est pas encore. Les jeux avec le doigt aussi, ouais. Ça existe. Bah oui, il y a déjà des choses. Et puis, j'imagine qu'avec les écrans haptiques, on va encore avoir des choses à se développer. En tout état de cause, on va vous remercier. On arrive à une heure de podcast, ce qui nous a permis de faire déjà un bon tour d'horizon des possibilités et puis de ce qui se passe un petit peu en ce moment sur le jeu sonore, parce qu'il semblerait qu'effectivement il y ait des frémissements et puis des synergies qui se mettent en place, et on est ravis d'avoir l'occasion d'échanger avec vous qui faites partie de ce mouvement Pierre Lacombe. On écoutera avec bien évidemment grande attention les productions de votre plateforme. Et puis, j'ai pas grande indulgence aussi, puisque ce n'est qu'une version alpha. Donc, mais en tout cas, bah, merci évidemment de m'avoir invité, et bravo aussi pour votre émission qui met en avant ces nouvelles formes de jeu. C'est important d'avoir de l'information dessus et de ne pas avoir que des médias contemplatifs, mais des médias qui savent explorer aussi des découvertes, comment dire, à venir, donc ou passé, je ne sais pas, peut-être qu'on est mort et enterré, mais c'est pas sympa à moi de le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est important pour nous aussi créateurs, même sans avoir déjà fini notre création, de pouvoir communiquer dessus et de pouvoir dire à tous ceux qui aiment le jeu, ceux qui aiment l'audio, de dire bah, rejoignez-nous, vous pouvez créer des histoires, vous aimez les histoires interactives, vous aimez les livres dont vous êtes le héros, vous êtes fan de jeux de rôle, vous aimez le cinéma et vous avez toujours rêvé d'écrire, eh bien vous pouvez le faire facilement avec Audigame et avec également d'autres acteurs du jeu audio. Donc soyez les bienvenus et merci encore de m'avoir invité. Oh bah, c'est avec plaisir. Et puis je pense que de toute manière, on donnera suite à ce podcast sûrement pour parler encore un peu de sonore sur un élément sur lequel on ne s'est pas beaucoup attardé, c'est la musique qui est quand même une grosse partie de la production sonore telle qu'on la connaît dans le monde. Et c'est vrai qu'on s'interroge encore sur l'usage de la musique en tant qu'objet de gameplay. On a eu plusieurs discussions avec Adrien sur le sujet à diverses reprises et je pense qu'il faudra qu'on aille rencontrer quelques musiciens pour pouvoir leur poser des questions sur le sujet. Voilà, c'était... Je conseille Jérémy Soul, qui est très, très bon compositeur, qui compose les musiques de The Elder Scrolls. Voilà. Eh bah, écoutez, je vous remercie pour la suggestion. Voilà, c'était Ludologie numéro 5. Le son produit-il de bon gameplay? Adrien, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, parce que ça fait un moment que je parle quand même. Et oui, bah comme c'est le premier podcast de l'année, on vous souhaite bien évidemment tous les meilleurs vœux, même si, comme on le sait, l'année n'a pas forcément commencé sur une note très joyeuse. Mais voilà, il faut continuer de vivre, il faut continuer de s'amuser, de jouer, de créer, bref, continuer tout court. Merci à tous.